on y repart. Quelle heure il est en vrai, je sais pas. Je vais retourner sonner dans mon sang. Au fond j'ai mal mais je me montre pas. Au fond je saigne mais je le garde pour moi. Je me balade, je traîne, je fais les 400 pas. Mais dis bon, on m'appelle Marley mais je rentre pas. J'ai peut-être l'image, je suis bon, je suis tes papas. Je grandis, je reste bouche devant le miroir. Je retournerai plus jamais dans ses bras. Ma chérie, désolé, mon cœur est noir. Je peux pas aimer, tout le monde ne m'en veut pas. J'ai de la haine à donner, je retourne au soir. Dans mon corps. Dans mon corps. J'ai de la haine à donner, je retourne au soir. Je recompte l'as de billets tard le soir. J'ajoute à ce que j'ai coupé dans la main. L'arme à l'œil, j'en porte bien après la mort.